Quelques jours se passèrent sans que Colomba prononçât le nom des Baricini. Elle était toujours aux petits soins pour son frère et lui parlait souvent de Miss Neville. Orso lui faisait lire des ouvrages français et italiens et il était surpris tantôt de la justesse et du bon sens de ses observations, tantôt de son ignorance profonde des choses les plus vulgaires. Un matin, après déjeuner, Colomba sortit un instant et, au lieu de revenir avec un livre et du papier, parut avec son mezzaro sur la tête. Son air était plus sérieux encore que de coutume. « Mon frère, dit-elle, je vous prierai de sortir avec moi. » À un demi-mille du village, après bien des détours, Colomba s'arrêta tout à coup dans un endroit où le chemin faisait un coude. Là, s'élevait une petite pyramide de branchages, les uns verts, les autres desséchés, amoncelés à la hauteur de 3 pieds environ. Du sommet, on voyait percer l'extrémité d'une croix de bois peinte en noir. Dans plusieurs cantons de la Corse, surtout dans les montagnes, un usage extrêmement ancien, et qui se rattache peut-être à des superstitions du paganisme, oblige les passants à jeter une pierre ou un rameau d'arbre sur le lieu où un homme a péri de mort violente. Pendant de longues années, aussi longtemps que le souvenir de sa fin tragique demeure dans la mémoire des hommes, cette offrande singulière s'accumule ainsi de jour en jour. On l'appelle l'ama, le mucchio d'un tel. Colomba s'arrêta devant ce tas de feuillage et, arrachant une branche d'arbousier, l'ajouta à la pyramide. « Orso, dit-elle, c'est ici que notre père est mort. Prions pour son âme, mon frère. » Et elle se mit à genoux. Orso l'imita aussitôt. En ce moment, la cloche du village tinta lentement, car un homme était mort dans la nuit. Orso fondit en larmes. Au bout de quelques minutes, Colomba se leva, l'œil sec, mais la figure animée. Elle fit du pouce, à la hâte, le signe de croix familier à ses compatriotes et qui accompagne d'ordinaire leur serment solennel. Puis, entraînant son frère, elle reprit le chemin du village. Ils entrèrent en silence dans leur maison. Orso monta dans sa chambre. Un instant après, Colomba l'y suivit, portant une petite cassette qu'elle posa sur la table. Elle l'ouvrit et en tira une chemise couverte de larges taches de sang. « Voici la chemise de votre père, Orso. » Et elle la jeta sur ses genoux. « Voici le plomb qui l'a frappé. » Elle posa sur la chemise 2 balles oxydées. « Orso, mon frère » cria-t-elle en se précipitant dans ses bras et l'étreignant avec force. « Orso, tu le vengeras !» Elle l'embrassa avec une espèce de fureur, baisa les balles et la chemise et sortit de la chambre, laissant son frère comme pétrifié sur sa chaise. Orso resta quelque temps immobile, n'osant éloigner de lui ses épouvantables reliques. Enfin, faisant un effort, il les remit dans la cassette et courut à l'autre bout de la chambre, se jeter sur son lit, la tête tournée vers la muraille, enfoncée dans l'oreiller, comme s'il eût voulu se dérober à la vue d'un spectre. Les dernières paroles de sa sœur retentissaient sans cesse dans ses oreilles, et il lui semblait entendre un oracle fatal, inévitable, qui lui demandait du sang, et du sang innocent. Enfin, il se leva, ferma la cassette, et sortit précipitamment de sa maison, courant la campagne, et marchant devant lui, sans savoir où il allait. Peu à peu, le grand air le soulagea. Orso pèse toutefois les éléments du drame dans lequel sa sœur l'engage. Plutôt que l'odieuse vendetta, un duel avec un des fils de l'adversaire le tenterait. La pensée de Miss Neville l'apaise tout à fait.